chercher. Laisse-moi là, pas qu'à occuper ou dis-moi, pas qu'à montre-moi, tout ça moi y est bao. Faut empathie, faut peu réaliser, et j'en vois même moi, mais pas vivre sans moi. Tout vent joue là, c'est pour réconfort. Tu veux.